ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. Le jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir, ce jour-là, oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mortel ennui se tailler à l'anglaise loin de moi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale, mais on ne trouve plus rien à se dire à la verticale. Alors pour tuer le temps entre l'amour et l'amour, je prends le journal et mon stylo et je remplis et les A et les O. Faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain tendre la main vers le gardénal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père, je me laisse faire.